Le journal sud-coréen Midi Onul fait savoir que la police sud-coréenne s'acharne à réprimer les Sud-Coréens en lutte contre la disposition de SAD. La préfecture de police provinciale du Gyeongsan du Nord vient de publier un rapport sur le résultat des exercices de répression des meetings et manifestations contre le déploiement de SAD à Songju et à Kimchon. D'après le rapport, la police prévoit l'emploi des instruments de répression forcée à l'encontre des participants aux meetings et à la manifestation.